franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie, Jacques Chancel est tout à l'heure mon invité. J'avais prévu d'accueillir aujourd'hui à Cannes la chanteuse passionnaria Joan Baez, mais elle a pour la langue française les mêmes faiblesses qui me font redouter l'anglais. À ce stade de l'incompréhension linguistique, notre conversation n'aurait pas eu de sens, au moins pendant une heure. J'ai pallié cette difficulté, mon invité sera tout à l'heure, car il assiste à une projection en ce moment, l'un des princes du western américain, un italien, Sergio Leone. Mais écoutons tout d'abord, et Joan Baez, bien sûr. Le titre, Bacanhas Brasileiras. Mon invité est là, bonjour Sergio Leone. Sergio Leone, vous nous avez vengé, vous avez fait la preuve, et comment, qu'un Européen pouvait réaliser de grands westerns, le genre le plus attendu mais aussi le plus difficile à réaliser. Je rappelle quelques titres, quelques-uns de vos films, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand, le merveilleux, Il était une fois dans l'Ouest, et vous annoncez maintenant une nouvelle réalisation, Il était une fois l'Amérique. Mais revenons au départ, pourquoi ce goût pour le western, vous, l'Italien? Parce que je trouve que le western C'est, un, si vous voulez, un fable merveilleux, qu'il était ami pour tous les garçons, que ça va de 5 années jusqu'à 80. Et alors, la dernière année, j'ai trouvé que les Américains en avaient oublié cette façon de faire. Et alors, moi, que je suis italien, j'ai tenté et j'ai essayé de réinventer une fable. Et alors, je crois que ça ne va pas la peine d'avoir la nationalité américaine pour une fable. Ça, c'est tout. Mais l'âme italienne, qu'est-ce qu'elle a apporté au western américain? Vous savez, je me suis formé dans une école néo-réaliste. Et alors, je vois avec des yeux européens et surtout... avec un peu plus de réalité. Ça veut dire que c'est une fable mélangée, si vous voulez, à la réalité. Sergio Leone, vous êtes un maniaque. Car lorsqu'on regarde bien vos films, on s'aperçoit que chaque scène est bien étudiée, que vous avez travaillé chaque plan. Par exemple, dans Il était une fois dans l'Ouest, il y a d'abord ces prodigieux visages. Où les avez-vous trouvés? Vous savez, pour moi, c'est un travail très long, parce que avant de commencer une chose, n'importe pas quelle, j'étudie, je vois, et je suis allé en Amérique, je fais tous les voyages presque de l'Amérique comme les pionniers avant de commencer. Alors je vis ce paysage formidable, je suis allé à la bibliothèque, je me suis documenté avec mon collaborateur. Pour le visage, c'est une question qu'elle m'appartient, je crois, parce que je commence avant de tout à me figurer des visages. Et avant de créer, si vous voulez, les découpages. Et alors, jusqu'à quand je ne les trouve pas, j'essaye. C'était comme ça pour Clint Eastwood, aussi pour Gian Maria Volonté, pour le premier film, et après pour Eli Wallach, Lee Van Cleef, Jason Roberts, Charlie Bronson et tous les autres. Mais enfin, ces gueules, on peut les appeler comme ça, on ne les trouve pas en Europe. Ah, mais ça, je les trouve dans les pays d'origine. Pour exemple, le dernier, Il était une fois à l'Ouest, j'ai tourné en Amérique, et alors, entre des Indiens vrais, qui sont des Navajos, parce que j'ai travaillé aux confins du Utah et de l'Arizona, et surtout dans la rue, parce que ça, c'est un peu, si vous voulez, l'école néo-réaliste. Il doit y avoir une nostalgie chez vous, Sergio Leone. Vous regrettez un peu de ne pas avoir été de ceux de la conquête de l'Ouest. Oui, je mets beaucoup toute cette période. Je trouve, surtout avec le dernier film, je fais un hommage à toute cette nostalgie que j'avais pour cette période, et j'essayais enfin de faire un ballet de morte, si vous voulez. Mais on le voit dans Il était une fois dans l'Ouest, on le sent, vous êtes un esthète. Par exemple, ces longs manteaux, c'est une étude particulière. Non, c'est pas une étude particulière, parce que ça, c'est vraiment la réalité. Je l'ai trouvé dans anciennes gravures, et je l'ai fait faire exprès. Et après, c'est devenu un peu la mode. L'enfance a une grande part dans tout ce que vous faites? Votre enfance, à vous? Mais l'enfance, ça reste, je trouve. Alors, ça, vous avez quel âge? J'ai 40 ans, mais je pense encore quelquefois comme une enfant. C'est bon de conserver ce climat? Ah oui, c'est très bon. C'est très bon, surtout aujourd'hui. Votre père était metteur en scène? Oui, mon père, il était un grand metteur en scène parce qu'il a commencé au cinéma muet, et son premier film comme metteur en scène, ça récale en 1908. Et il a fait presque 100 films. Il a tourné avec la plus grande étoile de l'époque, qui était en ce moment-là, Francesca Bertini. Et après, il a pris la place de Lubitsch en Allemagne avec Paul Negri. Et alors, ça vient, enfin, je suis un fidarte. Donc le cinéma dans votre famille devient une tradition. C'est une tradition. Mon père, il ne voulait pas. Après, il a changé d'opinion. Vous savez, lorsque votre premier film est sorti, certains ont pu penser que c'était une parodie du western. Oui, enfin, si vous voulez, vous parlez de pour une poignée de dollars. Bien sûr. Oui, sûrement. C'est pas une parodie. C'est enfin, je crois qu'il faut voir toujours avec des ironies de thèmes, et surtout ce thème-là qui ne m'appartient pas historiquement. Et alors, je l'ai fait avec beaucoup d'humour. Mais ça, c'est enfin une chose que je tiens dedans, c'est de voir la vie avec beaucoup d'humour. Et j'essayerai encore. Mais entre une poignée de dollars et Il était une fois dans l'Ouest, c'est le personnage de Sergio Leone qui a changé. Oui, ça parce que, enfin, j'appelle pour une poignée de dollars, pour quelques dollars en plus, Le bon, le brut et le truand, je l'appelle ma petite trilogie. Avec ça, je voulais terminer de faire le western. Et après, je dis toujours qu'ils nous ont touchés. Et marqué, si vous voulez, d'aller succès, on m'a tout le monde, quand je dis tout le monde, je parle de les maisons américaines et de les maisons italiennes de production, on a insisté parce que je faisais une autre western. Et alors je l'ai cité, et c'est pour Il était une fois à l'Ouest, je dis, bien, je l'ai fait un western complètement à moi. Ça veut dire que j'ai dédiqué... Je suis John Ford. Oui, non, j'ai dédiqué à l'Western, en fait, toute la nostalgie que j'avais dedans et que je ne peux pas exprimer avec les trois films. Et c'est la raison pour laquelle je filme. Et je ne croyais pas qu'il avait eu ce succès formidable qu'il a tenu. Vous attendiez ce succès? Non, pas du tout. Mais au départ, avec Il était une poignée de dollars. Au départ, non, je croyais d'avoir fait un bon film. M'a pas détouché, enfin, tous les marchés et tous les pays aussi, hein, parce que ça marche bien tout le monde. Non, franchement, je ne croyais pas. Enfin, vous êtes ici à Cannes, juré du festival, et vous voyez un grand nombre de films très différents les uns des autres, ou parfois très ressemblants. Est-ce que vous n'êtes pas étonné par toutes ces relations sexuelles, par... cette apologie de la drogue, ça n'est pas du tout votre univers. Non, malheureusement, c'est les choses que ça passe dans la vie aujourd'hui, surtout en Amérique. Alors, j'ai vu des films qui m'ont touché beaucoup, parce que ça répond vraiment à la réalité. Vous n'avez pas envie, vous, Sergio Leone, de faire un film sur la jeunesse, de traiter les problèmes d'aujourd'hui, d'être dans le vent, à la mode? Oui, exactement la chose que je vais essayer de faire avec Il était une fois l'Amérique. Parce que Il était une fois l'Amérique, c'est... Vous voulez l'Amérique d'aujourd'hui, en comparaison à l'Amérique d'hier, vit pour les yeux d'un vieux gangster. Et alors, le résultat sera... Que l'Amérique d'aujourd'hui est beaucoup plus violente de l'Amérique d'hier. Si je vous comprends bien, vous voulez faire un parallèle entre l'Amérique de la prohibition et l'Amérique de la drogue. Oui, l'Amérique d'aujourd'hui, pas seulement de la drogue, l'Amérique politique et tout. Cette époque-là, il était beaucoup, beaucoup plus romantique. Elle n'est pas romantique aujourd'hui, l'Amérique? Il ne faut pas généraliser tout ce qui se passe. Non, ce n'est pas une question de généraliser. Je trouve, enfin, que l'Amérique... il a vu son boomerang après le grand boom économique après les cracks de 1920. Il a lancé son boomerang et maintenant ça retourne. Et justement, je la trouve pas romantique. Sergio Leone, quel cinéaste êtes-vous véritablement? J'aime beaucoup, comme j'ai dit avant, le cinéma. Je ne sais pas de quelle qualité je suis, enfin ça c'est le public et quelle critique il faut le juger. Je me trouve bien à faire ce que je fais, je cherche d'être toujours moi-même, je fais ça comme vous avez dit avant, avec beaucoup de patience et surtout beaucoup d'amour. Lorsque je disais tout à l'heure que vous étiez maniaque, je peux en fournir la preuve, car lorsque vos interprètes, mettons, mangent un steak, c'est vraiment un steak. Si ce sont des spaghettis, ce sont des spaghettis. Ah, oui, ce n'est pas ça, autre chose. Ça, il faut. Pourquoi? Parce que je crois que les publics, maintenant, s'est habitué toujours, plus qu'un découpagiste et plus qu'un metteur en scène, à voir de bons films. Et alors aussi, s'ils se rendent compte, pas pour le moment, de voir des choses fausses, après c'est quelque chose que ça reste. Et il faut donner l'impression toujours, aussi si vous comptez une fable, d'être dans la réalité. Enfin, lorsqu'on regarde un de vos films, on ne peut pas se douter de ce qui se passe à côté, en coulisses. Mais lorsque vos caméras sont gros plan sur un personnage, il faut dire qu'à côté, les autres acteurs jouent également pour aider celui qui est en situation. Ah, ça c'est sûr, parce que je vais... que tous les acteurs, ils sont là, aussi quand ils ne tournent pas, pour voir comment ils jouent les autres, parce que c'est toujours une bagarre. Hein, alors il faut être toujours et connaître toujours les petits secrets de l'autre. Et ça, c'est... Enfin, avec tous les acteurs que j'ai travaillé, au commencement, ils disaient « Non, moi, c'est pas nécessaire. » Et après, on a trouvé que c'est une bonne idée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma est un cinéma d'auteur, que les vedettes n'ont plus la place qu'elles avaient autrefois, que ce sont maintenant les metteurs en scène qui tiennent le haut du pavé. Ça, c'est vrai, oui, je trouve, surtout parce que les auteurs, on a une conception générale du film et de l'idée du film, et pas les acteurs, parce que les acteurs, on pense souvent à son propre rôle. Et alors, s'il y a un bon metteur en scène, il faut se laisser aller. Et avec des acteurs comme Fonda, par exemple, Roberts, ce sont des merveilleux acteurs. Je ne peux pas, enseigner comme jouer, parce qu'ils sont de formidables acteurs. Mais j'essaye toujours, comme une acteur, une mauvaise acteur, de le faire comprendre qu'est-ce que je vais, et comme ça, ça va être beaucoup plus facile après pour jouer le rôle. Sergio Leone, comment faites-vous pour que la musique colle si bien à vos images? Mais ça, c'est une autre chose. La musique, ça vient dans le même temps du découpage. Mais je sens quelque chose dedans et je le transmets à mon musicien, que pour tous les films, il était Ennio Morricone, nous sommes très amis, nous se connaissons depuis beaucoup de temps. Et alors, avec lui, j'essaye de siffler. De le faire comprendre. Vous êtes le compositeur, un peu? Non, c'est pas une question de compositeur, parce que j'ai aucune notion de technique de la musique. Pour exemple, pour Little Far West, il m'a fait 15-16 thèmes, et j'ai choisi une, et j'ai tourné avec la musique. Avant, c'est comme un playback. Et alors, ça donne une atmosphère, surtout l'atmosphère juste du film. Enfin, Ennio Morricone, c'est un nom qu'il faut retenir, et nous allons écouter, pour retrouver le climat d'Il était une fois dans l'Ouest, la musique de Morricone. Thank you. Pour ceux qui prendront l'émission maintenant, je rappelle que mon invité d'aujourd'hui est le grand metteur en scène italien Sergio Leone. Je rappelle quelques titres, mais vous les connaissez, Pour une poignée de dollars, et puis le dernier, Il était une fois dans l'Ouest. Pour les autres, nous y reviendrons tout à l'heure. Bon, vous avez fait un triomphe dans le western. Est-ce que les Américains vous jalousent aujourd'hui? Car vous êtes allé dans leur propre terre, sur leur propre terrain. Bah, vous savez, on a commencé à parler des western spaghetti. Et c'est ça vous a vexé? Non, pas du tout. Surtout parce que j'aime beaucoup le spaghetti. Et on a commencé comme un terminé, enfin, si vous voulez, dispréciatif. Et après, quand les critiques, enfin, de tous les mondes, ont commencé à éloger ce type de film, et alors c'est devenu presque un luogo comune. Et maintenant, c'est devenu un terminé éloigatif, parce que j'ai vu que aussi des critiques américaines, on appelle spaghetti western aussi les derniers films américains. Alors ça veut dire que c'est laurier et les termine. Oui, mais enfin, vous avez totalement gagné, car on ne parle plus de western spaghetti non. Avec il était une fois dans l'Ouest. Non, pas maintenant. Ça vous fait plaisir? Oui, il me fait plaisir. Donc surtout. Au départ, western spaghetti, ça vous gênait, ça vous agaçait? Oui, parce que je ne voulais pas comprendre, je voulais comprendre bien qu'est-ce que c'est. Alors on m'a expliqué qu'on l'appelle les termes spaghetti pour la façon du... Vous savez que les cowboys, on a le lasso, comment on dit? Le lasso. Le lasso. Et alors, on disait que le lasso du film italien, il était de spaghetti. Comment avez-vous commencé dans le cinéma? Ah, j'ai commencé comme assistant metteur en scène. En France? Oui, j'ai fait. Non, pas en France. Vous Italie. Aviez travaillé à Bordeaux? J'ai travaillé à Bordeaux dans un petit film. Mais enfin, j'étais seulement pour la partie italienne. Et j'ai commencé en Italie quand j'étais très très jeune, à l'âge de 16 ans, comme assistant metteur en scène, après comme premier assistant, et après j'ai fait beaucoup de découpages jusqu'à la mise en scène en 1960 avec les Colosses de Rhodes. Mais vous ne pensez pas que les Américains peuvent s'étonner que ce soit un Italien qui leur raconte l'Amérique, enfin une partie d'une époque de l'Amérique? Ben ça, je ne sais pas s'il étonne, mais enfin, je le fais parce que je me suis formé, toute ma formation littéraire, c'est venu avec des auteurs américains de cette époque-là, je l'aimais beaucoup, et alors j'essaye de dire des choses, enfin, qui ne sont pas politiquement et historiquement engagé avec ce pays-là, c'est enfin mon point de vue, et que c'est toujours un point de vue européen. Est-ce que dans un western, la politique a sa place? Dans un western, je crois que tout a sa place, parce que je dis souvent que le plus grand découpagiste de western, c'est Homero. Et alors, on peut dire qu'est-ce qu'il veut avec un thème comme ça, surtout parce que c'est un thème très simple, et les personnages sont des semi-dieux, et vous pouvez dire n'importe quel. Oui, mais maintenant, avec le succès que vous avez eu, vous êtes tenté de faire autre chose, et on parle déjà du Voyage au bout de la nuit de Céline. Oui, ça, on parle parce que je trouve que c'est un thème que j'aime beaucoup, ça, de la solitude, et surtout de la façon de voir la vie. Parce que Céline, pour moi, il est eu comme un prophète. Il a dit 30 ans avant les choses qui sont passées maintenant et que ça passe toujours maintenant. Et alors, je trouve que c'est une auteure qu'il faut respecter et surtout aimer. Et j'essaye de faire... Et je comprends bien que c'est un fil très, très, très, très difficile. Et après, il était une fois en Amérique. J'essayerai de mettre en scène... Voyage au bout de la nuit. Enfin, il y a deux metteurs en scène italiens qui vont à la quête de nos auteurs français. Je pense à Visconti, qui s'occupe beaucoup de Proust, et puis à Sergio Leone, qui est à la recherche de Louis-Ferdinand Céline. Oui, mais je trouve qu'il faut, parce que je suis de l'opinion qu'un metteur en scène il s'exprime beaucoup mieux pour les choses qui n'appartiennent pas à lui, que pour les choses à nous. Ça veut dire, je parle historiquement, parce que nous passons à côté des choses à nos chers sans plus les voir. et un étranger a beaucoup plus de profondité, si vous voulez, et surtout cette distaque juste pour voir des choses, enfin, qu'il aime, mais qu'ils ne sont pas nés avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les choses que les Américains ont fait chez nous en Italie sont beaucoup plus courageuses que les choses que nous avons faites. Vous voyez, pour exemple, Midnight Cowboy, c'est le premier film américain qu'il a donné. Et là, à tous les films qui sont arrivés, c'est fait pour un Anglais. Et aussi, David Link, il a découvert Venise. Et on avait essayé avant de mettre en scène italien sans le faire aussi bien. Il vaut mieux être étranger pour traiter certains sujets. Oui, surtout pour les traiter, si vous voulez, avec esprit. Et pour être plus libre. Et pour être plus libre. Est-ce que le fossé qui vous sépare de Visconti est très profond? Comment? Le fossé qui vous sépare de Visconti est profond. Qu'est-ce que c'est le fossé? Le trou... L'éloignement. La distance. La distance. Je ne comprends pas bien la demande. Là. Est-ce que vous êtes très éloigné de ce que fait Visconti? Bah, vous savez, Visconti, c'est sûrement une auteure tellement personnelle que c'est un peu loin, si vous voulez, dans les choses que j'ai faites. Mais, enfin, quand je vis beaucoup de fils de lui, quelqu'un je l'aimais, quelqu'un pas. C'est comme toujours, enfin. Enfin, est-ce que le juré Sergio Leone pourrait accorder une voix à Mort à Venise? Oui, j'aime beaucoup Mort à Venise parce que je trouve que c'est fait avec beaucoup de sincérité. C'est enfin une œuvre très sérieuse et fait avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est la chose que je trouve plus importante pour un metteur en scène. L'amour dans un film. L'amour dans un film et l'amour dans les choses qu'il fait et que le défend jusqu'au final. Vous savez, hier, je recevais à ce même micro le peintre Chagall. Oui. Il me disait, il n'y a que l'amour pour diriger le monde et pour diriger la vie, pour diriger les choses. Et je suis d'accord avec lui. On va prendre une deuxième pause musicale, toujours avec vous et avec Ennio Morricone. C'est la musique de « Pour quelques dollars de plus ». Thank you. Sergio Leone, j'ai en ce moment près de moi un autre Italien qui travaille beaucoup en France, qui a conservé toutefois la nationalité italienne. Il s'agit de Sergio Gobbi. On connaît ses films, Le Temps des Loups et le dernier, Le Beau Monstre. J'aimerais savoir comment un Italien qui vit en France juge le succès de Sergio Leone. Mais le succès de Sergio est une chose qui a fait rêver beaucoup de metteurs en scène. Tu dois savoir que chacun de nous a rêvé à un moment donné de sa carrière de faire un western. Et le jour que Sergio Leone a fait son premier western, je crois que ça a été une joie pour nous tous, parce que pour la première fois, un Européen a fait quelque chose qui non seulement était en concurrence directe avec les films américains, mais qui a bouleversé le marché américain. Je crois que vous en avez déjà parlé tout à l'heure de ça. Donc, juger, tu sais, on ne peut pas juger la carrière de Sergio Leone, elle est tellement évidente. Mais disons qu'il a concrétisé un rêve de pas mal de gens de notre métier. Vous êtes jaloux un peu? Absolument, pas du tout, au contraire. Je suis ravi de la réussite de Sergio Leone. Mais tout à l'heure, je crois qu'il y a eu une petite erreur dans ce que nous avons dit. Oui, non, je crois que Serge me disait tout à l'heure qu'il y avait une certaine difficulté pour s'expliquer à un Français. Je trouve au contraire qu'il se débrouille très très très bien. Non, il a dit que, enfin, il voulait dire que le film qui va sortir actuellement, le nouveau western, c'était un film qu'il devait produire. Qu'avant, que tu devais produire. Seulement produire. Et à quelques jours du tournage, les vedettes du film ont dit, eh bien, si c'est Sergio Leone qui fait le film comme metteur en scène, nous le faisons, autrement on ne le fait pas. Alors, puisqu'il était producteur, je crois, Sergio, dans ce film, il était obligé de changer de casquette, de se mettre derrière la caméra, et de faire ce film. Dernier moment, surtout. Et c'est pour cela que je crois que, dis-moi si je me trompe, ce n'est pas vraiment un Sergio Leone. C'est mise en scène de Sergio Leone. Mise en scène de Sergio Leone. En tout cas, c'était un bel hommage des acteurs aux metteurs en scène. Oui, oui, j'aime beaucoup aussi les acteurs et j'avais mis beaucoup les acteurs. Mais je voulais plus faire un western, si vous voulez. Et alors, et surtout, j'étais engagé vraiment à penser à mon prochain film. Il était une fois à l'Amérique et c'est seulement pour ça que je suis gêné un peu. Bon, je rappelle, Sergio Leone, que vous êtes ici à Cannes comme juré, donc vous avez un travail difficile. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette peau de juré? Est-ce que vous recevez bien les films? Moi, je ne me sens pas bien du tout dans les peaux de juré parce que j'ai aucune intention de juger des collègues, surtout des collègues qui en a fait des œuvres, qui a coûté beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de fatigue. Enfin, j'ai accepté, parce que je pense vraiment qu'il faut avoir une collaboration, il faut se connaître mieux entre auteurs, entre metteurs en scène, et c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté. Et maintenant, ça devient difficile, parce que, comme je l'ai dit avant, nous avons vu beaucoup de films, et bien. Est-ce que le cinéma mondial est aujourd'hui en bonne santé? Oui, je trouve que c'est en bonne santé malgré quelqu'un qui dit que le cinéma va être mort bientôt. Je ne suis pas d'accord parce que je trouve le cinéma très jeune et on peut dire beaucoup de choses avec cette moyenne. Je pense la seule chose qu'il faut faire, il faut toucher vraiment des thèmes, si vous voulez, international, et qui en reste. Parce que pour faire, c'est la chose que j'ai dit avant, la seule peur que je tienne, c'est la vitesse de la vie. Et alors, nous risquons d'être pas à la page, pour la longueur du tournage et de la préparation. Je vis des films qui m'ont touché beaucoup. Si vous deviez par exemple faire un palmarès aujourd'hui, quelques jours avant le final, vous pourriez? Quels sont les films qui vous ont le plus touché? Il y a beaucoup de films qui m'ont touché. M'a touché Johnny Gotti's Gang, que j'aimais beaucoup, le film de Forman. Il m'a touché un film d'un Suédois, Joe Hill. Le messager de Lozay. Parce que je trouve qu'il y a une mise en scène impeccable, formidable. Mais, enfin, je parle pour moi,

Bon, tout le monde a reconnu, c'est maintenant une musique qui est bien dans l'oreille, de, je crois, de tous les gens du monde. Je voudrais savoir, Ennio Morricone, comment vous travaillez avec Sergio Leone et comment vous viennent ces musiques. Dunque, nel lavoro è un rapporto di amicizia e di chiarezza. Cioè, lui mi fa delle osservazioni, io rispondo a lui accettando le osservazioni oppure rifiutandole. Dans le travail, c'est tout d'abord un rapport d'amitié et de lucidité. Il fait des propositions, Sergio fait des observations, ils échangent leurs idées, ils arrivent à un résultat. Mais, par exemple, l'harmonica, là, au début... Oui, la scelta, per esempio, degli strumenti musicali. No, in quel caso lì era sul copione. Non, io ho scritto la musica per l'armonica, ma l'armonica era già scritta. Oui, cioè era già prevista dal copione. C'était déjà prévu dans le découpage. Ma chi ha avuto l'idea, Sergio o lei? Ah, non io. Non io. È un'idea di Sergio? Non io. Io ho scritto la musica per l'armonica, ma l'armonica era sul copione. Si sapeva già che l'attore doveva suonare, anzi si chiamava armonica. Oui, je dis à Ennio che je voulais en musique... des morts, si vous voulez. Et alors, je fais jouer cette Branson, je fais jouer l'harmonica. Il m'a donné un thème, si vous voulez, que c'était un thème initial, pas le définitif. Et après, nous avons essayé jusqu'à avoir les thèmes que vous avez écoutés. Il y a un thème de début, et puis... Oui. Après... Quel musicien est-il, Morricone? Musicien classique, au départ? Ma è strano, io ho fatto degli studi serissimi e quindi volevo dedicarmi proprio alla musica cosiddetta seria, come lei l'ha chiamata. Io la chiamo tutta seria, anche quella del cinema. Soltanto un musicista di cinema deve assolutamente avere l'esperienza il più larga possibile e in questo io, dopo gli studi, diciamo, classici, ho ricominciato da capo. Proprio dal basso a fare gli arrangiamenti per tutti, per molti. Oui, donc au départ, il a fait des études très sérieuses en tant que musicien classique. Mais en tous les cas, pour lui, toute musique est très sérieuse. Alors, une fois avoir fait ses études, il est revenu au niveau le plus bas et il a travaillé donc pour le cinéma. La musique de film est une musique sérieuse? Dunque, l'ha compris, là. No, dipende da chi la fa, primo. Secondo, è molto... È il cinema che vuole una musica con la più larga e più grande esperienza possibile. Quindi è impossibile un'unità di stile come si richiede alla musica classica. Bisogna assolutamente essere pronti a servire il film e il pubblico come il pubblico sente. Quindi questo è un compromesso che il musicista deve assolutamente accettare. Oui, il dit que l'unité de la musique de film ne peut pas avoir la même unité que dans la musique classique, parce que ça doit interpréter une œuvre. Donc c'est surtout une sorte d'assimilation entre les idées du metteur en scène et se mettre au service du metteur en scène. Donc il ne peut pas y avoir une unité de style à travers toutes les musiques de film. S'il n'y avait pas eu Sergio Leone, est-ce que Morricone aurait été un compositeur connu? Et quel est ça? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Quel est ça? Io non so. L'altra musica è altrettanto bella. Sergio Leone dit qu'il a fait des musiques de film en dehors de lui très jolies. Non sono un indovino, comunque devo molto a Sergio Leone, quindi cioè devo molto proprio proprio a lui e poi in particolare al suo stile, cioè è uno dei pochissimi, forse l'unico potrei dire, regista che si condiziona alla musica. Questo è un grave e un grandissimo sacrificio e un grande elogio che io posso fare a lui, perché da questo condizionamento che lui vuole poi riscatta tutto, musica, attori. Oui, parce qu'il dit que Enrico Morricone dit qu'il doit beaucoup à Sergio Leone parce que c'est peut-être le seul metteur en scène qui conditionne à tel point le musicien pour lui permettre de s'exprimer sur le plan cinématographique totalement. Donc, je crois qu'un compositeur, il faut écouter ses musiques, c'est la meilleure des choses à faire. Nous allons écouter la musique du film Pour une poignée de dollars. Morricone, Sergio Leone, c'est un bon doublé, hein. Sergio Leone, nous arrivons à la fin de cette émission. Je le rappelle, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes aujourd'hui juré au Festival de Cannes. Dans 48 heures, le résultat. Moins de 48 heures même. Alors, est-ce que je peux vous demander quel sera le grand prix du Festival de Cannes 71? Non, ça, vous ne me le pouvez pas demander. Maintenant, une question un peu indiscrète. Est-ce que, très franchement, vous avez vu tous les films? Tout. Malheureusement aussi, les films que je n'aime pas. Je le vis jusqu'au final, tout. Merci, Sergio Leone. Pas de quoi.